Donc j'essaie de mettre au point justement l'appareil extenseur du jeu. Donc on va commencer d'abord par l'anatomie. Donc quand on dit appareil, ça veut dire plusieurs éléments qui constituent un appareil. Donc ça sous-entend plusieurs. Donc on ne peut pas dire un élément ou deux éléments. Donc plus de deux éléments. Donc pour former un appareil. Pour que cet appareil soit fonctionnel, il faut que tous les éléments doivent être intègres pour arriver à optimaliser la fonction de cet appareil. Donc l'appareil extenseur du genou, comme son nom l'indique, elle a un rôle principal qui est l'extension du genou. L'extension du genou, c'est le mouvement qui est constitué par l'extension faite de la jambe par rapport à la cuisse. C'est ça l'extension du genou. La flexion du genou, elle ne dépend pas directement de l'appareil extenseur du genou. Elle dépend indirectement par la contrariété de la force de l'extension. Mais l'appareil extenseur du genou a un rôle principal qui est l'extension de la jambe sur la cuisse. La cuisse, c'est-à-dire l'extension du genou. Donc on dit appareil dans plusieurs éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le générateur de force. C'est le moteur, en quelque sorte. C'est le muscle quadricepital. Ça veut dire qu'il y a quatre muscles qui constituent ce gigantesque muscle, qui est le muscle le plus puissant dans tout le corps humain. C'est le muscle quadricepital. Donc le muscle quadricepital est formé de quatre muscles lui-même. Donc le droit antérieur. Parce que Kain, le droit interne. Donc le droit antérieur. Et le quatrième muscle, c'est le crural. Le muscle crural. Donc, le vaste externe, le vaste interne, on le voit sur le sportif, je vais vous montrer un schéma. Donc, le vaste interne, le droit antérieur, et en profondeur, le muscle crural. Les quatre muscles génèrent chacun une force. Et cette force a un seul résultant, qui est le tendon quadricepital. Donc toutes les forces générées par le muscle quadricepital vont se rassembler, vont s'unir au niveau du tendon quadricepital, qui lui va transmettre la force générée par le générateur qui est le quadriceps, vers un transmetteur qui est la rotule. La rotule, elle a un rôle de transmission de la force générée au niveau de la cuisse pour fonctionner au niveau de la jambe. Donc le muscle quadricepital, le tendon quadricepital, la rotule et puis le tendon rotulien. Donc le dernier de la chaîne, le dernier élément de l'appareil extenseur du genou, c'est le tendon rotulien. Donc je vous pose la question, l'appareil extenseur du genou est constitué de donc le tendon quadricepital, le tendon rotulien, le muscle quadricepital, la rotule. Donc il n'existe pas les ailerons rotuliens, il n'existe pas les ligaments croisés. Et quand vous entendez ligaments et tendons, vous devriez dire maintenant pour faire la différence entre un ligament et un tendon. Un tendon, c'est la partie terminale d'un muscle. Et le ligament, c'est un élément de stabilité d'une articulation d'une manière passive. Alors que le tendon, il a une fonction d'actionner une force générée par le muscle en amont. Donc le tendon, c'est la fin d'un muscle, et les ligaments, c'est des éléments passifs d'union d'une articulation. Cet appareil extenseur du genou, elle a un rôle principal. C'est quoi? C'est l'extension du genou. Donc, rôle principal, parce qu'il existe des rôles secondaires. Donc, rôle principal qui est l'extension du genou. dont tous les éléments de l'appareil extenseur du genou ils sont importants. Le tendon quadricipital, s'il n'existe pas un tendon quadricipital, l'appareil ne va pas fonctionner. S'il n'existe pas une rotule, l'appareil ne va pas fonctionner. Tendon rotulien pareil et muscle quadricipital pareil. Seulement, il faut dire que la lésion la plus fréquente de l'appareil extenseur du genou est la fracture de la rotule. Et fracture de la rotule. Et la lésion de la rotule, effectivement. Pourquoi la rotule, c'est l'élément le plus vulnérable de l'appareil extenseur du genou, à votre avis? Pas en même temps. Comme ça, je ne vais pas comprendre le oui et le non. Donc, pourquoi la rotule? Parce qu'elle est superficielle, elle est sous-cutanée, elle est dure, c'est osseux, et c'est le premier élément qui est en face du traumatisme en fonction du mécanisme. Parce que le mécanisme le plus fréquent, c'est une chute avec réception sur la face antérieure du genou. Sur la face antérieure du genou, il n'y a que la rotule. Donc, c'est pour ça que la rotule, c'est l'élément le plus vulnérable. Parce que c'est un élément superficiel, osseux, qui représente pratiquement la face antérieure du genou. Donc c'est pour ça, le cours de l'appareil extenseur du genou, on va insister surtout sur la rotule. On va en parler dès les autres éléments, mais on va insister surtout sur la rotule. Pour les gens qui ont répondu tout à l'heure, pour les ligaments croisés, c'est des éléments de stabilité de l'articulation du genou, dans le plan surtout antéro-postérieur et rotatoire. C'est des éléments intra-articulaires. Alors que l'appareil extenseur du genou, elle est en avant du genou. Il existe une partie articulaire qui est la rotule, bien sûr, la face postérieure, et les autres parties, c'est des ligaments extra-articulaires. Alors que les ligaments croisés, parce qu'ils sont croisés, le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Le ligament croisé postérieur, c'est ce que on parle tout le temps chez les sportifs, surtout les footballeurs, donc Rabit Salibi, donc le MMI. Donc c'est le ligament croisé antérieur, c'est l'élément le plus vulnérable, surtout chez les sportifs. Mais c'est un élément de stabilité de l'articulation du genou, c'est pas un élément de mobilité. Vous voyez la différence? La mobilité, ça se sous-entend un muscle et un tendon. La stabilité, ça se sous-entend un ligament. Donc, les ligaments ne font pas partie. Tous les ligaments ne font pas partie de l'appareil extenseur du genou. L'appareil, le ligament latéral interne, le ligament latéral externe, le ligament croisé postérieur, le ligament popliteux, le ligament croisé antérieur. Tous les ligaments ne font pas partie de l'appareil extenseur du genou. Donc l'appareil extenseur du genou, c'est un appareil de mobilité. C'est pas un appareil de stabilité principale. Vous avez saisi la différence. Donc les ligaments latéraux du coude, interne et externe, c'est pour stabiliser le coude. Mais le quadriceps, c'est pour faire l'extension du coude. C'est la même chose. L'extension du coude. Le triceps, c'est pour faire l'extension du coude. C'est la même chose au niveau du genou. Donc le quadriceps, c'est pour faire l'extension du genou, mais ligaments croisés antérieurs, postérieurs, latéraux, popliteux, externe, tout ça, c'est des éléments de stabilité du genou. Oui. C'est clair? Oui. Très bien. Donc je vais vous montrer un schéma. Voilà. Sur ce schéma, donc on voit le vaste externe, vous le devinez parce qu'il est en externe. Comme repère, on prend bien sûr la tête du péroné, donc le vaste interne, le droit antérieur et le crural qui est en profondeur. Le tendon quadricipital, la rotule et le tendon rotulien. Certains auteurs, notamment anglo-saxons, ils intègrent la tuberosité tibiale antérieure dans l'appareil extenseur du genou. Pourquoi ils font ça? Pour mettre l'appareil extenseur du genou en continuité avec la jambe. Parce que si on dit qu'ils disent, ils pensent, c'est des auteurs, Donc là, le quadriceps, le tendon quadricipital, la roture, le tendon rotulien, seuls ne vont pas fonctionner s'il n'y a pas la tubérosité, l'insertion du tendon rotulien au niveau de la jambe. Donc certains intègrent la tubérosité tibiale antérieure comme élément faisant partie intégrante de l'appareil extenseur du genou. Donc mais nous, on se contente de donc, la littérature francophone et on dit que ces quatre éléments, le quadriceps, le tendon quadricipital, la rotule et le tendon donc rotule. Voilà. Donc les éléments clés de l'étude des lésions de la rotule. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est des fractures fréquentes ou c'est des fractures rares? C'est des fractures rares. C'est des fractures rares, les fractures de la rotule. Les fractures de la rotule, c'est des fractures rares. C'est pas des fractures exceptionnelles, mais c'est des fractures rares. C'est dans le sens, c'est dans le sens de 1% de l'ensemble des fractures. Pas comme des fractures, vous avez fait le cours sur le scaphoïde. Oui. C'est moins que les fractures du scaphoïde. C'est moins que les fractures de l'extrémité inférieure du radius. C'est moins que les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, percrocantérien, col fémoral. C'est moins que les fractures de jambe. C'est moins que les fractures du fémur. C'est moins que les fractures de métatarse et métacarpe. Donc c'est des fractures plus ou moins. Donc, quel est le mécanisme le plus fréquent des fractures de la rotule? Choc direct. Pour l'anapate, donc quand on dit mécanisme, on parle de l'anapate. Donc il y a le mécanisme direct et le mécanisme indirect. Pour le mécanisme, quand on parle de mécanisme, il faut toujours schématiser deux éléments. Chaque aura, quand vous aurez une question sur le mécanisme, sur l'anapate plutôt, vous devrez parler de deux éléments. C'est des traits, des schémas de conduite. Quand vous faites un cours et vous posez la question sur l'anatomie pathologique de la lésion, fracture du col, fémur, rotule, etc., vous devrez parler de deux éléments. Grand mécanisme. A, le mécanisme, et grand B, les classifications. Donc pour le mécanisme, direct. Des fractures de la rotule. Direct. Quel est le mécanisme? Direct ou indirect? Direct. Quel est le mécanisme le plus fréquent des fractures de rotule? Le mécanisme le plus fréquent, direct ou indirect? Deux A, B. Oui ou non? Direct. Pourquoi? Est-ce que d'abord il existe le mécanisme indirect? Non. Oui, non, oui. Non. Non. Oui, oui, non, oui, non, oui. Il existe le mécanisme indirect ou non? Non. Elle a dit non. Elle a dit il n'existe pas. Non. Il n'existe pas. Il existe le mécanisme indirect ou non? Non. On ne sait pas. Non. Elle ne se tue pas en continuité morale d'autres. Vous vous contredites. Mais je vous pose la question, quel est le mécanisme le plus fréquent? Et vous me dites, c'est le direct, ça veut dire que le... Non. Voilà, très bien. Donc il existe le mécanisme indirect. D'abord, on commence par le mécanisme indirect. Le mécanisme indirect, c'est lors des contractions d'un muscle quadricipital. Parce que tellement c'est un muscle très puissant qu'il peut arracher un fragment de la rotule, lieu d'insertion du tendon quadricipital, lieu d'insertion du tendon rotulien. Donc les contractions contrariées du muscle quadricipital peuvent être à l'origine d'une fracture de la rotule. Donc le mécanisme indirect, il existe. Voilà. C'est ferme, c'est pas un doute. C'est ferme. Donc, il existe le mécanisme indirect. Donc, tout court. Ce n'est pas un truc de lapsus. Donc, le mécanisme indirect, il existe. Donc, le mot, si on utilise une phrase pareille pour dire qu'il existe, ça veut dire qu'on a un peu un doute qu'il n'existe pas. C'est bien. Si je dis qu'il existe, ça veut dire que déjà... En arrière-pensée, il n'existe pas. Effectivement, c'est un mécanisme très rare. Donc, les fractures de la rotule par mécanisme indirect, donc, c'est rare. Donc, pour qu'il existe ce mécanisme, il faut des conditions. Ou bien, le tendon quadricipital et son amont, le muscle quadricipital, ils sont très puissants. Et on le voit chez les sportifs de haute compétition. Très bien. Ou bien l'inverse, c'est-à-dire une fragilité osseuse impitoyable, et on le voit chez les personnes osteoporotiques sous corticothérapie ou H. Très bien. Donc, pour qu'il existe le mécanisme indirect, il faut plus ou moins un terrain. Un terrain qui est une dysfonction de l'insertion du tendon quadricipital ou du tendon rotulien sur la rotule. Cette rotule, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle est petite, comment elle est considérée? La rotule est considérée comme un os sésamoïde. Un os surnuméraire sésamoïde. Mais cet os sésamoïde, paradoxalement, il a l'épaisseur du cartilage le plus important dans le corps humain. Malgré qu'il est considéré comme sésamoïde, le cartilage, l'épaisseur du cartilage, est le plus important dans tout le corps humain. Pourquoi? Parce que la rotule, elle glisse tout le temps. Oui. Elle glisse tout le temps. Et le cartilage, il est fait pour surtout les espaces de glissement. Donc, la rotule est considérée comme un os sésamoïde, intégrant l'appareil extenseur du genou, avec deux surfaces articulaires, donc externe, plus longue et plus convexe, et interne, plus courte et plus ou moins rectiligne. Cette surface postérieure de la rotule est considérée comme l'élément, le seul élément articulaire de l'appareil extenseur du genou. C'est-à-dire tous les autres éléments sont considérés comme extra-articulaires. À part la rotule, la surface postérieure de la rotule qui est considérée, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une fracture de la rotule qui rompt l'appareil extenseur du genou, qui ne rompt pas l'appareil extenseur du genou, qui communique avec l'articulation, c'est une fracture articulaire. Donc chaque fois qu'il y a une fracture qui communique avec l'articulation du genou, donc on dit que c'est une fracture articulaire. Et ceci rajoute la gravité et l'importance des fractures de la rotule. Donc la rotule, elle a des éléments de stabilité et des éléments d'union. Donc quels sont les éléments de stabilité que vous connaissez dans toute n'importe quelle articulation? D'abord, la capsule, très très bien. Donc la capsule, elle a un manche encapsulaire très épais en postérieur, qui la marque au niveau des deux condyles, donc fémoral. Très bien, donc la capsule, un manche encapsulaire très épais qui la marque, donc au condyle latéral et médial. Le deuxième élément, c'est les ailerons. L'aileron ou rétinaculaire. Donc, l'aileron rotulien externe et l'aileron rotulien interne. C'est comme des voiles de bateau. C'est la rotule a la tendance de partir en externe, l'autre aileron va la retirer et la marre en interne. Si elle a tendance de partir en interne, donc l'autre aileron, elle a tendance de la ramener à sa place. Et comme ça, la rotule, elle est en train de balancer entre deux amoureux, donc l'aileron rotulien externe et l'aileron rotulien interne, qui la retient chacun à lui. Pour garder le centrage de la rotule, qui lui-même centre l'appareil extenseur du genou. Et en parlant du centrage, on parle des caractéristiques de la rotule. Quelles sont les caractéristiques de la rotule? Pourquoi la rotule elle est là? Pourquoi le bon Dieu n'a pas créé directement le tendon rotulien qui va partir directement au tendon quadricipital pour former cet appareil? Pourquoi la rotule elle est là? Très bien. C'est un protecteur, c'est très très bien comme réponse. Oui. C'est un protecteur solide. Du genou. C'est quoi? C'est un gilet pare-balles. C'est un gilet pare-balles. Varbal est différent, la rotule. pour protéger le genou. Donc c'est un gilet pare-balles pour le genou. Donc c'est un rôle protecteur. Très très bien. Deuxième rôle. Mécanique. Très bien. Comment mécanique? Mécanique, oui, mais mécanique, c'est vaste. Transport. Hein? Glissement. Transport. Le glissement. Transport, c'est un peu... Le glissement sur l'articulation. Transmission. Voilà. C'est pas transport, mais transmission. Transmission de la force générée par le quadriceps vers la jambe. Au tendon rotulien. Très bien, au tendon rotulien. Vous connaissez la poulie. La poulie. La poulie pour faire et monter les objets lourds. Quel est le principe de la poulie? Quel est le principe de la poulie? Transmission des forces. Transmission, même la voiture transmet le câble est transmis la force, le camion est transmis la poulie. Hein? Diminuer le. Très bien. Quoi? Le principe physique. La poulie travaille par un principe de moment, donc chaque fois qu'il y a le moment, ça veut dire que on génère une force plus importante par un effort moins important. Et bien la rotule joue ce rôle, donc elle amplifie les forces générées par le muscle quadricipital, donc un rôle amplificateur. Elle accroît l'effort. Si le muscle quadricipital il génère 50 newtons, avec la rotule il devient 250 newtons. C'est-à-dire, si on mesure, donc sur un micro, maintenant, il mesure. Donc, si on mesure la frappe de Ronaldo au niveau du tendon quadricipital, par exemple, à 100 newtons, lorsqu'il frappe le ballon avec, au niveau du tendon rotulien, on trouve 350 newtons. Ça veut dire qu'elle amplifie la force. Donc, rôle de transmission, rôle d'amplification, rôle de transmission et rôle aussi très important. Ça, par exemple, si vous pouvez frapper le mur avec une pierre, une grosse pierre, et vous le frappez avec un clou, ou bien avec un clou, disons un clou, quel est celui qui a plus de force de pénétration au niveau du mur? C'est bien sûr tout ce qui est pointu. Très bien, donc la rotule, le centrage de force. Donc pourquoi? Parce que la rotule, elle glisse entre deux facettes articulaires. Les facettes articulaires, c'est comme une rail pour garder la rotule, puis un certain dans le couloir. Donc toutes les forces générées par le vaste externe ou bien le vaste interne, le tendon, le muscle antérieur, donc, vont se générer, vont se rassembler et vont s'unir et vont se centrer par la rotule. Donc toutes les forces, c'est la rotule. Mais la poche, donc toutes les forces au niveau de la rotule. Donc c'est un rôle de centrage. Donc rôle de centrage de la force, transmission, rôle d'amplification, rôle de transmission et rôle de protection. Le rôle secondaire, ça c'est les rôles directs de l'appareil extenseur. Le rôle indirect, c'est la stabilité du genou. C'est en contrepartie des éléments postérieurs qui sont les ischio-jambiers. Donc l'appareil extenseur du genou, elle contrarie les forces postérieures. Les ischio. Donc des ischio-jambiers. Donc c'est une force de stabilisation, c'est un rôle secondaire. Donc c'est un rôle secondaire. Donc si on parle de la rotule, voilà. Donc le mécanisme le plus fréquent, c'est le direct. Et quand on parle de direct, quels sont les mécanismes directs que vous connaissez? Pas tous en même temps. Mécanisme direct. Mécanisme direct, voilà, je suis sur mes genoux, je tombe directement sur le bout du trottoir et je reçois le bout du trottoir, surtout cette arête sur la rotule, donc ça va générer éventuellement une fracture. Deuxième rôle, vous vous fâchez avec votre copain et vous prenez la barre et vous frappez sur le genou. Donc c'est une force directe. Donc vous êtes contre un terroriste, il va tirer sur la rotule par une balle. Donc c'est une force directe. C'est des mécanismes directs. Donc c'est le mécanisme le plus fréquent. C'est tableau de bord, très bien. Tableau de bord, vous êtes sur le siège, conducteur ou accompagnateur, vous freinez. Donc la force d'accélération va continuer alors que la voiture est en décélération et vous tombez sur le tableau de bord, donc vous aurez une fracture de la roture. Donc le mécanisme le plus fréquent, donc c'est le mécanisme direct. Le mécanisme indirect, il existe, mais il est rare dans certains terrains particuliers. Très bien. Voilà. Classification. Avant la classification, on parle, donc on a parlé des éléments d'union, on a dit la capsule, on a dit les éléments rotuliens comme les voiles de bateau, et on parle quelque chose de très important qui est la vascularisation. Est-ce que la rotule a une vascularisation terminale ou une vascularisation qui est tributaire de plusieurs vaisseaux, à votre avis? Tributaire. Tributaire, c'est un verbe, tributaire. Continue. Adjectif de quoi? Tributaire de plusieurs artères. Donc et l'élément de faiblesse de vascularisation, c'est surtout le pôle proximal. Pourquoi? Parce que le genou, comme le coude, pratiquement, au niveau de la vascularisation, il y a le cercle périartériel, si vous vous souvenez, du coude. C'est au niveau du genou, toujours. Il y a pratiquement une vascularisation plutôt rétrograde. Les vaisseaux tombent et ensuite ils vascularisent les éléments du genou par une voie rétrograde comme le scaphoïde. Donc le pôle le moins vascularisé au niveau proximal de la rotule, c'est le pôle proximal. C'est pour ça, lors des lésions de la rotule, il existe des risques de nécrose. Donc du pôle proximal. Donc la vascularisation, elle est faible. C'est pour ça, ce qui explique par la suite les pseudarthroses. Vous connaissez les pseudarthroses? Oui. C'est quoi la pseudarthrose? L'absence de consolidation dans les délais. Dans les délais. Les normales. De consolidation dans les délais. Dans les délais normaux. Dans les délais impartis de consolidation. Très bien. Donc, absence de consolidation dans les délais impartis. Parce que les délais impartis, ils varient. Donc, c'est une marge de 3 mois à 6 mois, de 6 à 9 mois. Ce n'est pas fixe. Ce n'est pas 3 semaines. Ce n'est pas 29 jours. Donc, c'est des délais. Très bien. Donc, le mécanisme, on a direct, indirect, il existe plusieurs classifications. Donc, dans l'intérêt, il diffère d'une classification à une autre. Mais la classification la plus connue, c'est celle de Duparc ou la de Moulay-Récard. C'est pratiquement la même classification. Donc, la classification de Duparc, elle est très schématique. Dans l'intérêt, il est plutôt thérapeutique. Donc, il existe trois stades. Le type 1, le type 2 et le type 3. Le type 1, c'est deux fragments principaux. Le type 3, le fragment proximal ou le fragment distal est encore fracturé. Le troisième fragment, c'est un troisième type, c'est une fracture communitive. Mais est-ce que, la question est là, est-ce que toutes les fractures de la rotule rompent l'appareil extenseur du genou? Parce qu'on revient au père ou à la maman. Est-ce qu'on a commencé le cours par l'appareil extenseur du genou? Est-ce que toutes les fractures de la rotule, qui est un élément de l'appareil, engendrent une rupture de l'appareil? Très bien. Non, elle est catégorique, c'est bien. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a les traits... Seules les fractures horizontales. Transversales. Tout court, horizontales. Transversales. Des transversales, horizontales. Donc c'est accordé, les deux. Oui. Est-ce que horizontal tout court, transversal tout court, complète. Déplacé, complète. Très très bien. Donc les fractures, on commence par complète et surtout notamment déplacée ou bien instable. Donc les fractures complètes. Donc toutes les lésions transversales, c'est elles qui rompent l'appareil extenseur du genou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fractures parcellaires ne rompent pas l'appareil extenseur du genou. Ça veut dire que les fractures sagittales ne rompent pas les fractures, l'appareil extenseur du genou. Vous saisissez la différence? Oui. C'est-à-dire, si vous aurez une question, est-ce que toutes les fractures rompent l'appareil extenseur du genou? Oui ou là, non? C'est clair que non. Et si on commence par les types, donc les fractures à trait sagittal ne rompent pas l'appareil extenseur du genou. Parce que, pourquoi? Parce que l'appareil extenseur du genou, il continue de haut en bas. Donc l'appareil est continu, il n'existe pas un élément qui rompe l'appareil extenseur du genou, donc l'appareil extenseur du genou n'est pas rompu, tout court, c'est tout bête. Donc s'il y a un trait sagittal, donc l'appareil est continu, s'il y a une solution de continuité transversale, elle est rompue. Donc il faut qu'il y ait une solution de continuité réelle et complète. Complète. Ah, très bien. Donc toutes les fractures n'auront pas la extension du genou, c'est bien. Maintenant pour le diagnostic, quelles sont les circonstances de diagnostic? Les circonstances de diagnostic. Douleur. Les circonstances de diagnostic. Un choc. Hein? C'est-à-dire, il y a une différence entre le mécanisme et les circonstances. C'est lors de quel événement on retrouve la fracture de la rotule. Les accidents de travail, les accidents de la circulation, les accidents de sportifs, les accidents domestiques, une vieille ou un vieux, un jeune, sur le trottoir, il évite une voiture, il tombe sur le trottoir, donc c'est une fracture de la rotule. Arrêtez de bavarder. Tu peux sortir ou tu parles comme tu veux, il n'y a pas de problème. Vous faites comme les entraîneurs, vous faites la main sur la bouche. Il n'y a pas de caméra ici, vous pouvez... Donc, quelles sont les circonstances? Les tentatives. Donc les circonstances, c'est surtout les accidents de la circulation, notamment le tableau de bord, donc les accidents sportifs, donc les accidents domestiques, exceptionnellement bien sûr, les accidents balistiques. Mais il faut savoir que dans un milieu bien précis, ça existe. Voilà. Un milieu bien précis, ça existe. Mais c'est exceptionnel dans la société civile. Mais dans le milieu militaire, quand même, ça existe. Ça existe par effet blast, par bombe, par effet blast, ou bien par arme à feu. Donc ça existe. Il faut savoir que ça existe. Mais le plus souvent, c'est très grave. C'est un éclatement pratiquement de la rotule. Les dégâts, ils sont très importants. Très bien. Donc voilà les circonstances donc, de diagnostic. Très bien. L'examen clinique, qu'est-ce qu'on retrouve? Une douleur, genou tibifié. L'examen clinique, toujours l'interrogatoire. L'examen clinique, les examens complémentaires. Tout ça, en quelque sorte, même les examens complémentaires, ils font partie pratiquement de la clinique de la fracture de la rotule. Douleur, tibifié. Non, la chose la plus importante dans les fractures de la rotule. Tibifié. Plus important. Déplacement. Plus alarmant. Impotence. Très bien. Parce que la rotule, c'est un élément de l'appareil extenseur du genou. Donc, c'est l'impossibilité de faire l'extension du genou. Donc, on évite l'impotence fonctionnelle totale. Je préfère que vous répondiez impossibilité de faire l'extension du genou. Parce que le mot impotence fonctionnelle totale, c'est un peu exagéré, c'est un peu imprécis et injustifié. Que nous, on parle de la rotule seulement. La rotule, c'est l'appareil extenseur du genou. Donc, on dit impossibilité de faire l'extension du genou. Maintenant, comment tester cette fonction? Déjà qu'un patient, vous suspectez une fracture de la rotule, comment vous examinez, comment vous devriez vérifier l'intégrité de l'extension de la jambe sur le... Comment vous le faites? Chacun peut me montrer schématiquement comment vous demandez au patient pour vérifier est-ce que l'appareil extenseur intègre ou non. Oui, vous demandez quoi? Soulève. Vous me décrivez le patient comme il est debout, il est couché. Assis. Oui. Oui, très bien. Très bien. Donc on peut le tester le patient assis, on demande au patient de faire l'extension de la jambe. L'extension active, pas l'extension passive. Parce que passive c'est nous qui la font, ou bien c'est lui-même avec ses mains. Donc l'extension en position assise. Sur le décubitus dorsal, s'il est allongé, il faut que le talon soit au zénith, et non pas comme ça. Parce que si vous lui dites de faire l'extension, le soulèvement, il va le faire avec les adducteurs. Donc il faut que la rotule soit au zénith. On dit rotule au zénith, ça veut dire centrée au milieu, et on demande au patient de décoller le talon du plan du lit. S'il n'arrive pas à faire ce geste, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'appareil extenseur du genou, mais on ne sait pas où. Est-ce que le tendon rotulien, rotule? Donc, mais on peut dire, mais il faut que le patient coopère, bien sûr. Il faut que le patient ne triche pas. Donc, impossibilité de faire l'extension de la jambe sur la cuisse, on peut le faire d'une manière passive ou active, mais surtout, on demande au patient d'une manière active de faire l'extension de la jambe sur la cuisse en position assise ou bien de décoller le talon du plan du lit en position allongée, rotule au zénith. C'est très important parce que sinon, il compense, il triche. Il triche pour faire l'extension alors que l'appareil extenseur est touché. Très bien. À part l'impossibilité de faire l'extension, le deuxième élément, pas douleur. Une fracture, elle est toujours douloureuse. Tumifaction. Donc, c'est une douleur. Tumifaction. Là, on parle de la sémiologie élémentaire. C'est-à-dire quels sont les signes qui peuvent le rencontrer lors des fractures de la rotule. Ce n'est pas tous les types ou un type. Parce qu'au niveau du service, il y avait une fracture qui était claire, le cliché. Oui, il n'y avait rien. On pouvait faire une extension, mais il n'y avait aucune douleur. Très bien. Mais là, c'est pas un, ou bien c'est un diagnostic différentiel. Il n'existe pas une fracture de la rotule. Ou bien c'est... Non. Je vais vous continuer. Ou bien c'est une fracture de la rotule qui n'a pas rompu l'appareil extenseur du genou. Fais un petit peu. Incomplète. Même transversal. Non. Même qu'on de type 1 osseux, mais elle n'a pas rompu l'appareil extenseur du genou. Parce que l'appareil extenseur du genou, c'est pas la rotule. Si les deux fragments, ils sont restés amarrés l'un à l'autre par la capsule et par les ailerons rotuliens, c'est quand tu l'as synthésé avec des broches. Donc, c'est pas une fracture complète de l'appareil extenseur du genou. Et tout à l'heure, on a un examen pour vérifier est-ce que l'appareil extenseur est complètement rompu ou non. Donc, à la fin, vous posez vos questions. J'ai répondu gentiment sur la question, mais vous l'inscrivez pour ne pas vous sentir vexé ou là. Vous inscrivez votre question et à la fin, je répondrai à toutes les questions. Donc, le deuxième élément. Là, on parle de la sémiologie élémentaire. Donc, on a dit donc, l'impossibilité de faire l'extension du genou, la douleur, l'ecchymose, la tumifaction, s'il existe un choc direct et très agressif. On peut trouver une abrasion, une érosion, égratignure, ou bien carrément une ouverture cutanée qui fait ouvrir ou la communiquer le foyer de fracture du milieu extérieur, ce qui constitue une fracture ouverte de la rotule. Et la fracture ouverte, c'est une grande urgence en traumatologie. Donc toutes les fractures ouvertes, c'est une grande urgence parce qu'elle fait communiquer le milieu extérieur à l'articulation. Et dans ce cas, c'est un risque hautement septique ou infectieux. Donc voilà, donc l'impotence, ou bien on a l'impossibilité, la douleur, la tumifaction, l'ecchymose, l'hématome, tout ça, ça fait partie de la clinique. La douleur, bien sûr. Donc, quels sont les examens complémentaires? Très bien. Donc, devant une suspicion de fracture, donc on demande une radio. Mais avant de demander une radio, est-ce qu'on a le droit, pour être catégorique comme tout à l'heure, donc est-ce qu'on a le droit d'examiner le genou traumatisé en cas de suspicion de fracture de la rotule? Est-ce qu'on a le droit? On a tout le droit et on a le devoir de le faire. Et en examinant l'appareil extenseur du genou, on peut trouver une dépression au niveau de la face antérieure du genou qui fait séparer les deux fragments. Et dans ce cas, on est sûr qu'il existe une fracture avant même de faire la radio. C'est-à-dire le fait de palper l'appareil, donc le bord, là, la face antérieure du genou, on peut tomber sur une dépression. Cette dépression qui rentre le doigt, on a deux doigts, on a trois doigts, on a quatre doigts, en fonction donc du diastasis au niveau du foyer de fracture, ce qui fait que la fracture de la rotule est réelle et elle existe. Donc on doit examiner le genou. ce qu'il ne faut pas faire dans les genoux traumatiques, il ne faut pas faire les mouvements dynamiques. Donc si vous suspectez une lésion ligamentaire, voilà, j'ai voulu vous poser la question délibérément pour que vous compreniez que devant une lésion ligamentaire du genou, il ne faut pas faire les examens dynamiques. Si vous entendez parler des tiroirs, il ne faut pas les faire dans l'aigu. C'est interdit. Pourquoi ? Parce que vous pouvez totaliser une entorse et rompre le ligament qui est tendu lui-même. Donc vous devrez laisser le ligament cicatriser. Donc devant un genou ligamentaire, il ne faut pas faire des examens dynamiques. Voilà. Et là, c'est une différence de taille. Il faut faire la différence. Donc si quelqu'un vous pose devant un genou traumatique, on ne doit pas l'examiner. Non, ce n'est pas vrai. On doit l'examiner, on peut palper, on peut toucher. Et il ne faut pas faire des examens dynamiques. Et là, c'est une grande différence. Hein, il faut que vous compreniez cette différence. Si vous ne comprenez pas cette différence, ce n'est pas bien. Donc, les examens dynamiques qui sont interdits. Silence. Ouais. Donc, les examens, quels sont les examens complémentaires à faire? Donc, radio standard. C'est surtout, tout bêtement, des examens de radio standard. Parce qu'on parle des éléments osseux. Donc, les éléments osseux répondent bien au radio au rayon X. Et on peut faire une radio de face et une radio de profil. Donc, si on fera la face, on peut tomber sur un trait qu'on le visualise sur la face, et on peut ne pas le visualiser sur le profil, et vice-versa. Maintenant, dans le cas où on trouve une fracture transversale de la rotule, avec peu déplacée, ou non déplacée, ou à peine visible, on peut faire ce qu'on appelle les clichés dynamiques. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On sollicite l'appareil extenseur du genou en faisant fléchir le patient. Entre 30 et 45 degrés, c'est-à-dire on sollicite l'appareil extenseur du genou. Si la fracture est complète, donc il y aura un diastasis. Les deux fragments vont s'éloigner l'un par rapport à l'autre. S'il n'existe pas une solution complète, une rupture complète, une fracture complète, il n'y aura pas un diastasis. Et dans ce cas, il y aura une intégrité de l'appareil extenseur du genou, même s'il y a une fracture de la rotule. Voyez la différence. Donc pour vérifier est-ce que c'est une fracture complète ou non, il faut faire un cliché dynamique. Dynamique, ça veut dire on fléchit le genou. Dans ce cas particulier, on fléchit le genou entre 30 et 45 degrés et on fera une radio de profil. Bien sûr, si on fléchit le genou par les fléchisseurs, donc l'appareil extenseur, elle sera mise en exercice et elle va à la tendance de tirer vers le haut. Donc si le muscle quadricipital est en haut et le tendon rotulien est en bas, donc le tendon rotulien il est là pour transmettre, il gêne rien du tout. Donc le tendon quadricipital il transmet aussi. Donc le muscle quadricipital il génère. Donc s'il tire sur la rotule, il y aura un diastasis, il y a une fracture complète. S'il n'y a pas une fracture complète, il ne va pas pouvoir tirer. Et dans ce cas, on va trouver le même cliché en extension et en flexion. Et on dit que c'est une fracture de la rotule sans rupture de l'appareil extenseur du genou qui peut répondre tout à l'heure, on va en parler, bien au traitement orthopédique. Voilà. J'ai répondu sur ta question, j'espère. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire une IRM? Oui. Oui, si on suspecte, bien sûr, une lésion ligamentaire associée. Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut faire un scanner? Oui. Oui, aussi. Si on suspecte à la lésion cartilagineuse ou osseuse ou incarcération d'un fragment intra-articulaire. Donc, ou bien à la recherche des lésions osseuses associées au niveau du plateau tibial ou bien au niveau des condyles fémoraux. Donc, on peut faire des examens complémentaires à l'image de l'IRM ou du scanner, mais exceptionnellement. Donc, exceptionnellement, on a recours à ces deux examens qui sont l'IRM ou bien le scanner. Très bien. Donc, le scanner, il est réservé surtout pour les fractures de plateau tibio ou bien des condules, et l'IRM pour les lésions, surtout ligaments. Je dis surtout, donc je laisse toujours la parenthèse ouverte. Donc on peut faire un IRM, une IRM ou bien une tibia. Très bien. Lors des fractures de la rotule. Donc lors des fractures de la rotule, on peut trouver des lésions donc, associées. Et peut-être l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fracture de la rotule, elle peut passer inaperçue lors des lésions plus importantes. Parce que si le patient il a un fémur, une luxation de la hanche, une fracture du côté, rachis cervical, trauma crânien, oh la rotule. La rotule, elle passe au deuxième degré. Voilà, au deuxième plan. Donc, c'est la fracture de la rotule, elle peut passer inaperçue. Malgré qu'il existe une fracture avec solution de continuité complète, bien visible, avec impotence fonctionnelle, si vous le dites, ou bien possibilité de faire l'extension, on peut trouver une fracture de la rotule qui passe inaperçue chez le poulet. Multifracturé, on dit multifracturé, polytraumatisé ou bien inconscient. Quelqu'un inconscient qui ne répond pas. Il ne répond pas. Que vous avez mal, on ne sait pas. Il ne répond pas. Il n'est pas là. Donc, dans ces circonstances un peu particulières, plus ou moins exceptionnelles, c'est la rotule est rare, donc ces lésions elles sont plus ou moins exceptionnelles. Donc, ça, mais ça se voit. Ça se voit. De nos jours, ça se voit. Donc voilà. Maintenant, quels sont les diagnostics différentiels des fractures de la rotule? Tout à l'heure, elle nous a parlé de solution de continuité. Elle ne nous a pas décrit exactement comment la solution, mais elle peut, cette lésion décrite par notre collègue, elle peut être un diagnostic différentiel. Par exemple, une pseudarthrose, une ancienne fracture qui a consolidé. Mais pas tout à fait. Ou bien une fracture parcellaire. Ou bien une ancienne fracture qui est consolidée par un endroit et non par d'autres. Ou bien une patella biparteta. Patella biparteta, c'est une pseudarthrose qui remonte à l'enfance et on peut faire un cliché. Donc, contralatéral, du genou contralatéral, on trouve une patella biparteta comme vous le voyez sur le cliché. Donc ça, c'est une patella biparteta. Donc vous voyez, donc ça, c'est biparteta, c'est-à-dire deux. Donc vous voyez le bout externe, et là le bout externe, donc ce n'est pas une fracture de la rotule, mais une patella biparteta. Et les gens qui ont une patella biparteta, surtout dans le cadre des accidents de travail, le plus souvent, ils savent qu'ils ont une patella biparteta. Et chaque fois que le médecin de permanence change, ils viennent se présenter pour obtenir des arrêts de travail ou bien un rond. Donc, ils testent la compétence des médecins. Donc, chaque fois s'il vient vous voir cette semaine, c'est bof, c'est je le joue, donc c'est bon. Si je ne joue pas le jour, la semaine prochaine, le mois prochain, il vient à une autre. Parce que c'est bon, tel m'a l'affaire, c'est bon, il a terminé. La prochaine fois, c'est le tour du consoeur ou du collègue. Donc c'est des patella biparteta qui remontent encore à l'enfance. Donc ça, c'est des diagnostics différentiels. Donc une ancienne fracture, c'est un diagnostic différentiel. Ce n'est pas une fracture de la rotule. Ça s'appelle toujours une président et ancien président, ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est ancien. Donc pseudarthrose, c'est diagnostic différentiel. Patella biparteta, c'est fracture. Donc c'est diagnostic différentiel. Maintenant le traitement. Le traitement, dans toutes les fractures articulaires, c'est littéraire. Il faut avoir une réduction anatomique, une contention solide et stable et une rééducation précoce. Ça, c'est pour toutes les fractures articulaires. Donc maintenant, les arts thérapeutiques. Il y a le traitement orthopédique et il y a le traitement chirurgical. Maintenant, à chaque peuple, donc son parlement. Donc, quelles sont les indications du traitement orthopédique et quelles sont les indications du traitement chirurgical? Orthopédique, classification. Oui, ça dépend de la classification. Très bien. Oui. Zid. نبداو بالتريتمون اورثوبيديك كيسون دابور نبداو غير بالحوايج اللي ماشي مليح كيسون لي زانكونفينيون دو تريتمون اورثوبيديك على دي لا ريدو تري بيان لا ريدو باسكو علاش باسكو لو تريتمون اورثوبيديك سي اون ايموبيليزاسيون كي دور دون لو طون 2 موا 3 موا حتى لا كونسوليدان دونك سي اون ريدو باسكو سي اون ارتيكولاسيون دوزيام ترومبوز لي مالادي les maladies thromboliques, très bien. Zid. L'arthrose. Arthrose. Arthrose, c'est pseudarthrose. Pseudarthrose. Oui, pseudarthrose. Très bien. Pseudarthrose, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la réduction ne peut pas être anatomique. Parce que vous n'avez pas fait ouvrir le foyer de fracture pour réduire. Donc c'est une réduction un peu comme ça. Donc ça peut aboutir à une pseudarthrose. Donc pseudarthrose, raideur, thromboembolique. De nos jours, Agda, 2016, on a été le plâtre pendant 3 mois. C'est contraignant. Désagréable. C'est contraignant comme traitement. 3 mois avec un plâtre. Avec la chaleur, c'est un peu. C'est contraignant comme traitement. Donc la raideur, thromboembolique, réduction qui n'est pas anatomique, syndrome des loges, très très bien. Ouverture secondaire. Déplacement secondaire, très oui. Très bien. Calvicieux. Déplacement secondaire, calvicieux, c'est exceptionnel. Calvicieux, je viens de dire. Calvicieux, tout ce qui est métaphysaire ou métaphyso-épiphysaire. Calvicieux. Mais la rotule calvicieux, ça sous-entend une vascularisation très riche. On a la rotule, la vascularisation très haïenne. Ninjiha calvicieux. Calvicieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Une consolidation. Quoi? Un petit kivage. Irrigation importante. C'est pour ça qu'il y a le calvicieux. C'est ça le calvicieux. Mais le calvicieux au niveau de la rotule, ça pratiquement, ça n'existe. C'est rare. C'est exceptionnel pour ne pas dire. Inexistant. Donc c'est surtout la pseudarthrose. Maintenant, on continue avec les inconvénients. Quels sont les inconvénients du traitement chirurgical? D'abord, après l'infection. Le traitement chirurgical, les inconvénients. Le risque anesthésique. Oui. Ouais, il est cardiopathe, on ne sait pas, il a une pathologie pareille. On peut dire l'anesthésie, il peut mourir sur la table. Donc, risque anesthésique pour n'importe quel traitement chirurgical, pour n'importe quelle pathologie. Donc, le risque anesthésique, il est toujours. C'est pour ça qu'on fait une consultation d'anesthésie avant tout acte. Chirurgical. Donc, risque anesthésique. Même la péridurale. Le risque infectieux. Le risque. Esthétique. Infectieux. Le risque esthétique. Attends, ça, l'esthétique, c'est bien. Voilà. Donc, l'esthétique. Donc, parce que c'est une cicatrice. Oui. Donc, très bien. C'est ça les inconvénients du traitement chirurgical. Donc, c'est surtout le risque anesthésique, c'est surtout le risque infectieux. Ou infectieux. Et le risque, bien sûr, ici. Maintenant, quels sont les avantages du traitement chirurgical? Levé précoce. On dit toutes les fractures. Réduction anatomique de vision. Réduction anatomique de vision. Ça veut dire de visu. De visu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ouvre, on réduit. Donc, réduction anatomique de vis. Dans peu de temps, il reprend ses tâches. Deuxième élément, là. Levé précoce. Là, avant, on est en train d'opérer. Donc, réduction anatomique de vis. Très bien. Après réduction, qu'est-ce qu'on fait? Réparation. Non. On stabilise. Après une réduction, on stabilise. Donc, stabilisation solide. Très bien. Très très bien, bien sûr avec une toilette et tout. Et le troisième élément, immobilisation rapide, très bien, on dit rééducation. Après le, donc rééducation ou réadaptation fonctionnelle, donc immédiate. Si on fait une réduction anatomique, donc on fait une réduction. Maintenant, quels sont les avantages en dernier du traitement orthopédique? L'esthétique. Éviter. Voilà. Cicatrice. Très très bien. Voilà. C'est ça la réponse, en quelque sorte, la réponse idéale. C'est éviter d'abord tous les risques du traitement chirurgical ou bien en cas de contre-indication à la chirurgie. Voilà. Tous les avantages de la chirurgie peuvent être l'inconvénient du traitement orthopédique en dehors donc d'une contre-indication du traitement chirurgical, c'est clair. Oui. Donc maintenant, pour le traitement orthopédique, quel est le traitement orthopédique? C'est quoi le traitement orthopédique? Quoi? Plâtre. Voilà. Un plâtre, on dit un plâtre circulaire. Voilà. Mener les limites, Louis. Pelvis. Pédieux. Très très bien. Pelvis pédieux, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un pelvis malléolaire ou qu'un pelvis pédieux? Pelvis malléolaire, on a un hapsou avec des malléoles externes. On dirait surtout en cas d'entorse du genou. Le pelvis malléolaire, donc on l'a cru au malléolaire comme il a dit, donc c'est pour les fractures, pour inhiber carrément la part extension du genou. Donc c'est un plâtre circulaire. Oui, on peut faire une fenêtre s'il y a une ouverture cutanée, parce que tout à l'heure, on a dit que chez certains patients, il existe une fracture, une ouverture cutanée, donc la sémiologie alimentaire. Donc, les ongles, la cheville à combien? La cheville, si on immobilise, crevaux et Dieu. La cheville, on immobilise à combien de degrés? À 90. Et le genou? Entre 10 et 15 degrés. Parce que si on fait l'extension carrément, il y aura des difficultés pour faire la flexion. Si on fléchit encore plus, on sollicite, pas l'extension, on sollicite le déplacement, l'étirement. Donc, la stabilité sera plus précaire. Donc, c'est pour ça, c'est une immobilisation très proche de l'extension. Voilà. Et la limite supérieure, vous la connaissez pour toutes les... Donc, c'est les plis fessiers en poster. Voilà, et plis de laine en avant. C'est clair. Donc, bien sûr, avec un cotocardie. Pardon? L'immobilisation se fait en flexion 10 à 15 degrés. 10 à 15 degrés de flexion. 10 à 15 degrés. On évite l'extension pour éviter la raideur en extension. Et on évite la flexion carrément pour éviter l'étirement de la part extension. Donc, c'est clair. Maintenant, les armes du traitement chirurgical. Premièrement, l'incision. Qui déroule le traitement chirurgical? On ouvre où? L'incision, où est-ce qu'on la rotule? Est-ce qu'on ouvre latéralement, médialement, en avant, où? En externe. Donc c'est une incision latérale. Antérieure, franche. Oui. Antérieure, franche. Elle peut répondre. Donc c'est une antérieure franche. Donc c'est une incision antérieure franche de 3 à 4 cm sur la face antérieure du genou. Donc on régime, on individualise le foyer de fracture, on nettoie, on lave, on réduit, on fait une stabilisation temporaire par des pinces, le plus souvent pinces à champ. On les appelle pinces à champ, comme des crabes, comme ça, des pinces à champ. Et on stabilise définitivement par. Quels sont les éléments de stabilité définitive? La stabilisation provisoire, c'est au moment de l'intervention. Ça prend le temps de avant de stabiliser. Quels sont les éléments de stabilité définitive? Des vis, à la des vis. Plaque vissée au niveau de la rotule. Il y a une plaque vessie qui me rend l'arste, qui dirait bien plaque vessie. Est-ce qu'on peut mettre une? Plaque vessie. On a dit que la rotule elle est très superficielle. Donc si on met une plaque vessie, c'est un matériel encombrant. Encombrant. Donc, parce que juste la peau. Oui. Si on ferme juste la peau. Oui. Imagine plaque vessie, juste la plaque. Oui, elle glisse en plus. Oui, à chaque fois que la rotule descend avec la plaque. Donc les broches, les vis. Cerclage. Alors, lorsque j'ai parlé avec Dr Bouzidi, il m'a dit que je. L'obanage, j'ai dit que l'obanage. Il fallait dire. Donc l'obanage, c'est quoi l'obanage? c'est C'est quoi? D'abord, les gens qui habitent en dehors de la ville, s'il existe, hein. Même les gens qui habitent à côté de Bossor, là, parce qu'ils peuvent répondre. C'est quoi un mot bon? Un mot bon? Très bien, très bien, le cheval. L'équitation, le Nestlé déroule l'équitation. Le loban, c'est un qui m'a fait l'arrivée. Il gère. Parce que chaque fois que le cheval a tendance à partir avec sa tête, vous le retenez avec le gère. Donc avec loban. Et loban, il a un rôle très important. Pourquoi? Il transmet les forces de d'étirement, voilà, de traction, voilà, de diastasis, parce qu'il y a une séparation entre deux fragments, c'est, on appelle ça un cauchemarqueur. Oui. Il n'existe plus. Normalement, qu'il y a le maquillage. Oui, je peux le faire derrière la brosse. Donc, le maquillage marqueur. Je vais vous faire bien le bas. Je vais vous vous allez pas le... J'ai mon anamélage. Maquillage derrière le marqueur. Parce que pas de délégué. Maquillage délégué. Maquillage délégué comme ça, hein. عندهم يجيبوا ال مسير حجوا عند لاجون اسمع لازم تتعلم التواسيق كيف يعني شوف pour que les deux fragments glissent sur les rails. Mais si on met uniquement les poids, ça veut dire que chaque fois que le quadriceps ça tire. Donc le banc, il tourne en forme de 8 sur les deux broches, avec un appui cortical sur les deux bouts de la rotule, et en s'appuyant sur les broches. Et chaque fois que les deux fragments ils ont tendance à se séparer, le banc, il est là pour les maintenir. Et ça, on appelle transmettre une force de traction en force de compression. Et la force de compression, ça favorise la rétroversion. Donc ça évite la sodale. Voilà le. Pourquoi le tomateur, c'est mieux. Alors que. Pardon, c'est un montage, on dit que c'est un montage dynamique. Ça veut dire que les forces générés pour la séparation vont partir pour la compression et par voie de conséquence pour faciliter la consolidation. Et cette consolidation va se faire tout en face, tout en faisant nos activités quotidiennes et notre rééducation fonctionne. Alors que si on met uniquement des proches, on doit associer un traitement orthopédique. Et là, c'est les inconvénients de l'un et de l'autre, donc c'est pas bien. Si on met uniquement des vis, c'est aussi moins solide et moins robuste comme élément d'union. Donc le procédé chirurgical de stabilisation d'une réduction anatomique chirurgicale, c'est au banage, appuyé sur deux broches. Donc la réponse, c'est pas un obanage. C'est obanage appuyé sur deux broches parallèles. Ça veut dire que les deux broches sont parallèles comme des rails de train où les deux fragments glissent aisément sur les deux rails, les deux broches, alors que l'auban, il est là pour maintenir l'union. La séparation, elle est douloureuse. L'union est bénéfique pour tout le monde. La séparation est douloureuse, mon cher Jean. Douloureuse, mon cher. Tu as compris? Si tu as compris quoi? Je... être douloureuse. Voilà. How le balance. Donc on a deux broches. On a deux broches parallèles. Attends, deux secondes. On a deux broches parallèles. Et on a le banc. Là, le banc avec un appui cortical au niveau de la rotule en même temps sur les deux broches. Si le fragment proximal il a tendance à partir en haut, donc le banc il est là pour le maintenir. Si le fragment il a tendance à se latéraliser, les deux broches ils sont là pour le contrarier. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un montage dynamique. Donc les complications, on dit toujours complications primaires, secondaires et tardives. Maintenant, quels sont donc l'apparition sur du genou, donc c'est la rotule principalement. Donc c'est d'ailleurs c'est le cours, vous devrez, quand on dit apparition sur du genou, directement vous irez à la rotule, bien sûr. Et, sans ignorer les autres. Les autres, c'est quoi? C'est le tendon rotulien, le tendon quadricipital et le muscle quadricipital. Parmi ces éléments, tiens vous les lunettes avec le voile bleu. Quels sont, à votre avis, entre le tendon rotulien, le tendon quadricipital et le muscle quadricipital, dirigé par ordre croissant côté fréquence? Et vous justifiez. Non, j'ai précisé. C'est pas une question. Ah, silence. Par rapport à quoi? Par rapport à la pluie. Par rapport lui au beau temps. Côté fréquence entre tendon rotulien, tendon quadricipital et muscle quadricipital, quel est l'élément qui est le plus fréquemment touché? Tendon rotulien, mais le muscle. Il y a un petit zerbi. Chauffez, je ne sais pas, ce n'est pas du tout une réponse. Chauffez, je ne sais pas, c'est un manque de respect. Quand un aîné vous pose une question, vous ne répondez jamais par je sais pas. Je ne sais pas, c'est un manque de respect. Bien sûr, vous répondez ou là vous faites silence. Mais si vous dites, vous ne répondez pas. C'est-à-dire, foutez-moi le camp. C'est pas bien. C'est ça. Vous devrez faire comprendre. Si on est des jeunes, je suis en train de vous transmettre une bonne habitude. Ne répondez jamais par je ne sais pas. Ou bien vous gardez votre silence, ou bien vous répondez même d'une manière erronée. Sinon, vous répondez, vous avez une réflexion, vous avez une idée. Vous dites l'idée qui vous passe par la tête. Si vous n'avez pas d'idée, vous faites le silence. Mais vous ne dites pas je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire vous tournez un autre. Alors, quel est à votre avis? Donc, la fréquence. Rotulien. Tendon rotulien. Rotulien le plus fréquent. Oui. Muscle quadriceps. Elle a dit le tendon rotulien, le muscle quadriceps. Et le tendon quadricipital. Tendon quadricipital. C'est pas juste. Donc, tout à l'heure, on a dit que la rotule, si vous vous souvenez, on a dit que la rotule, elle est la plus touchée. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, la face antérieure du genou. Donc, c'est un élément de centrage. Très bien. Si vous raisonnez un peu, vous devrez répondre. Le tendon rotulien, le tendon quadricipital et le muscle quadricipital. Pourquoi? Parce que le muscle quadricipital, c'est quatre muscles. Pour que les quatre muscles soient touchés, c'est vraiment très exceptionnel. Alors qu'on a dit que l'appareil extenseur du genou, c'est 100% moins la rotule. Donc le reste, c'est très exceptionnel. Pour que le muscle quadricipital, tout le muscle quadricipital, il soit lésé, c'est pratiquement un sabre sur la cuisse. Un sabre qui coupe tous les muscles de la cuisse. Pour que le muscle quadricipital, donc c'est vraiment, c'est l'exceptionnel de l'exceptionnel. Et l'appareil extenseur du genou, si elle est touchée par le muscle quadricipital, c'est uniquement lors des cures de cancer de muscle C'est-à-dire on hiwna d'une manière iatrogène une résection tumorale. Mais en dehors de ça, le muscle quadriceps ne peut pas partir un seul bloc d'un seul coup le même jour. Donc c'est vraiment exceptionnel. Très bien. Le tendon rotulien, par contre, on peut le voir. Un peu moins fréquent, bien sûr, que la rotule, mais beaucoup plus fréquent que le tendon quadriceps. Et on le voit surtout chez les sportifs. Très très bien, les sportifs. Les sportifs, on voit le tendon, parce que parfois c'est des frappes, c'est des tendons très puissants. Donc c'est comme le tendon quadriceps rotulien pour les joueurs de football surtout, c'est comme un os. Oui. Quand il se contracte, si vous le touchez, on dirait que vous touchez un os. Donc c'est tellement dur, s'il y a un agent vulnérant qui frappe sur la face antérieure du genou, il peut entre guillemets le casser. Donc, le rompre. Donc le tendon, on peut le voir aussi, comme on a dit tout à l'heure pour le mécanisme indirect, chez les personnes qui prennent surtout des corticoïdes. Oui. Donc on peut trouver la rupture de tendon rotulien. Sinon, le mécanisme le plus fréquent, c'est le mécanisme indirect. Indirect. Pas comme la rotule. Donc c'est le mécanisme indirect. Le plus souvent, c'est des ruptures donc contrariées ou bien une chute sur la face antérieure moins fréquente. Donc le tendon quadricipital, c'est surtout les arrachements. Oui. Surtout les arrachements. On peut les assimiler comme des arrachements, donc fracture partielle de la rotule, ou bien des ruptures du tendon quadricipital. Donc par ordre de fréquence, donc rotule, tendon rotulien, tendon quadricipital et la virgule, c'est pour le tendon donc quadricipital. Si vous avez des questions, je suis là. Allez, la première question, Laïlik. D'accord. Elle a dit qu'il y a une fracture transversale au niveau de la rotule et elle a aussi dit qu'il n'y avait pas de douleur. Est-ce que un peu de respect pour notre conseil. Est-ce que c'est possible? Pardon? Les fractures transversales sans douleur de la rotule. Fracture transversale sans douleur, c'est pas possible. C'est, ou bien c'est une anecdote là. Fracture. Mais qu'est-ce que fracture sans douleur? Si un patient qui a une fracture sans douleur, c'est le diagnostic différentiel. Bien il a un problème neurologique. C'est voilà. comment peu de douleur, oui. Peu douloureuse, oui. Mais une fracture sans douleur, c'est un peu vague comme description. Pour l'anesthésie, s'il vous plaît, c'est la péridurale ou l'anesthésie générale? Généralement. Elle a posé une question très importante pour les jeunes Agda Kimentouma, le côté cursus universitaire. Donc elle a parlé du type d'anesthésie. Bekri, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20 ans. Pas Bekri, un siècle. Quelle l'anesthésie générale, c'est l'anesthésie dominante. Avant 10-15 ans, ils ont retourné surtout vers l'anesthésie locorégionale, notamment la rachianesthésie. Les derniers temps, on pratique, même ici, chez nous, dans notre hôpital, ou au CHU, ou là, même dans les cliniques privées, anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire un bloc nerveux du sélectif, juste la région où on va opérer. Donc, le plus souvent, pour votre réponse, c'est surtout l'anesthésie loco-régionale, ou bien les blocs, on les appelle blocs, les blocs anesthésiques locaux. Donc, l'anesthésie locale, non, impossible. Voilà. Parce que pourquoi? Parce que parfois on utilise un garrot. Vous connaissez le garrot? Oui, oui. Donc si on utilise un garrot, le garrot il est plus douloureux que l'intervention elle-même. Mm-hmm. On gonfle à 350 à 300 mètres de mercure, c'est très douloureux. Donc le garrot, à partir de la troisième minute, c'est une catastrophe. Donc il faut une anesthésie donc parallèle. Voilà. Donc ça c'est pour le côté donc anesthésique. Donc autrefois c'est pas un siècle, là, peut-être qu'il y a une vingtaine d'années. Donc c'est surtout l'anesthésie générale, بعد تيران سيزي لو غاشي ان سيزي لي 30 ans de créer دونك ها سي سورتو avec les neurostim en pratique ici à Constantine dans des cliniques privées CHU l'hôpital militaire donc c'est partout l'anesthésie surtout local région. Voilà. Une autre question. Oui. اسمع انت تيمونس باش نسمعوا بعض. Oui. C'est la fracture de la rotule et communique. Très très bonne question. Oui. Le traitement chirurgical il peut aller à la, même à la patellectomie. La patella c'est la rotule. Patella, patellectomie c'est l'ablation carrément de la rotule. On peut être amené à enlever carrément la rotule. Donc et ça existe. Donc et qu'est-ce qu'il remplace l'appareil extenseur du genou? Donc l'appareil elle sera continue comme élément uniquement tendineux. Donc tendon quadricipital avec le tendon rotulien et on amarre les ailerons rotuliens. On peut être amené, donc vous devrez, c'est une très bonne question, c'est parce que tous les traitements qu'on a discuté tout à l'heure, c'est des traitements conservateurs. C'est des traitements, non, pas que on n'utilise pas le mot radical dans ce contexte, hein. On dit traitements conservateurs. Donc, parce que le traitement chirurgical, les gens parlent du traitement radical quand on parle d'une amputation. Donc, la patellectomie peut être la solution ultime. Pour la patellectomie, quand il y a un éclatement carrément de la rotule, ou bien, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien, éclatement, ou bien, c'est très important de la connaître, il y a un milieu infectieux très important qui contredise une ostéosynthèse. Donc s'il y a une sepsis, on a peur que l'infection va s'étendre au reste de l'articulation, ou bien il y a une pseudarthrose, ensuite une pseudarthrose, on a greffé, ça échoue, donc on peut être amené à faire une patellectomie. La patellectomie, c'est enlever la rotule et la remplacer avec quoi? Patellectomie. Patellectomie, c'est patella. Patella, c'est la rotule. Donc, voilà. Zid. Monsieur, le plâtre, c'est circulaire, n'est-ce pas? C'est long. Zid. Le plâtre, il est circulaire. Circulaire. Donc, il n'y a pas de problème d'eau. Problème de? L'eau. C'est-à-dire, le plâtre circulaire peut être en contact avec l'eau sans aucun problème. Non. Avec l'eau, c'est-à-dire une douche avec l'eau. Faut pas avoir honte de le dire. Parce que je suis habitué de coller. Non, il faut être. C'est ça. Je suis habitué de coller. Celle qui nous a présenté le cours de l'appareillage plâtré a dit que le plâtre circulaire ne présente aucun problème lorsqu'il est mis en contact avec l'eau. La question n'est pas précise. Mais je vais faire un objectif de voir cette question. Elle parle, monsieur. Elle parle. Ah, mais c'est sûr. Écoutez, il faut le dire.